Radio Banco. C'est la grâce matinale de Radio Banco avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale du week-end. Alors Chloé et Kéman font une petite pause week-end grâce matinée qui est bien méritée et on les embrasse. Je vous propose de passer un peu de temps en ma compagnie ainsi que celle de Boncon qui ont accepté de prêter leur voix et leurs idées pour animer cette matinale enregistrée. Nous commençons en musique, tout en douceur, avec un artiste qui propose une délicieuse musique qui égayera votre matinée. Bonne écoute! Und Spaß ganz groß geschrieben wird. Und Connys Hupen, das weiß doch jedes Kind, erklingen immer da, wo Freunde sind. Radio Bangkok. Radio Bangkok. Radio Bangkok. Radio Bangkok, une radio avec de la bonne connerie. C'est la matinale des Bangkoks sur Radio Bangkok. Merci à Cola qui a prêté sa voix pour les jingles de ce matin. Et merci à tous les Bangkoks pour leur participation. Comme vous le savez, j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer un petit message pour faire un jingle personnalisé. Et hier, en ouvrant mes mails, j'ai reçu deux superbes messages d'une personne que j'embrasse. Et ces messages m'ont tant fait rire que je tenais à vous les faire partager. Salut, c'est Jordan et bienvenue sur la radio des Bangkoks. Salut, c'est Jordan. Oh wow, bienvenue sur la radio des Bangkoks. Salut, c'est Jordan. Un Bangkok fini. Et vous êtes sur la radio des Bangkoks. Salut, c'est Jordan. Et vous êtes sur la radio des Bangkoks. Salut, c'est Jojo là. Je suis un Bangkok. Et vous êtes sur la radio des Bangkoks. Merci, Jojo, pour ta douceur et ta bonne humeur. Je tenais à rendre hommage à Kéman pour le remercier pour son investissement dans la radio des Bangkoks. J'ai donc décidé de diffuser une chanson qui s'appelle Run, Run, Run de Phoenix, mais que j'ai remixé à ma sauce. Et la qualité du coup de cette chanson est un peu médiocre, vous m'excuserez, mais j'espère que vous comprendrez la référence. Business calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to, now I'm running out of lies. It's a clear view with all your eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run. Paisley. Run. Paisley. Run. Paisley. Run. Think I better run. Paisley. Run. Paisley. Paisley. Run, didn't catch me falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling. Contradictions get me everything I want. I let you know, but I think it's gonna take a while. It's a clear Pour la santé de tous, restez confinés. Mais ne restez pas tout seul avec Radio Boncon. C'était Run, Run, Run Weasley de Phoenix. J'en profite pour saluer les producteurs de Radio Boncon, Harry Potter et Frodon Saquet. On continue avec le point astro de Chloé. C'est tout de suite dans la matinale du week-end des Boncons sur la radio des Boncons. Bonjour, ici Chloé. Bienvenue pour un point astrologie du week-end. Premièrement, vendredi 20 mars, gros changement, le soleil a parcouru les derniers degrés des poissons. C'est la fin de l'année zodiacale puisque le soleil rentre en bélier. C'est l'équinoxe. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie cet équinoxe? Eh bien tout d'abord, c'est officiellement le printemps. les oiseaux chantent, les fleurs poussent, il fait beau, on peut plus sortir, sauf en ce moment bien évidemment, à part si vous avez un balcon. Bref, qui dit printemps dit explosion de la vie et de la nature. On se soigne également doucement. C'est vrai que les derniers mois ont pu être difficiles, on a beaucoup remué de choses en nous, mais surtout c'est un temps pour renaître collectivement. Deuxièmement, nous rentrons dans la saison du bélier. Bélier qui amène avec lui la fraîcheur, la productivité. Mais pas que. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est le premier cycle de la roue de la vie. Le poisson clôture un cycle et le bélier en ouvre un autre. On est dans le début. On est dans la saison de l'espoir. Le bélier, c'est aussi l'ego, le « je ». Alors, on prend le temps de mettre en place un nouveau soi. C'est le meilleur moment pour être soi-même. En plus, on est confiné, donc on a le temps pour réaliser tout ce que nous avions en tête. Laissez-vous aller, allez-y, nouveaux projets, nouvelles envies, nouveau toi. C'est le moment de planifier tout ça, surtout si tu es bélier, lion ou sagittaire. C'est la meilleure période. N'hésitez pas. Le troisième événement important de cette période, c'est Mercure qui est en poisson. Donc pas de panique, si vous n'êtes ni rationnel ni logique en ce moment, c'est normal. Laissez-vous guider par cette vague d'amour et d'émotions qu'apporte Mercure. Et n'oubliez pas, faites du lien. C'est le meilleur moment pour contacter vos proches, pour leur donner de vos nouvelles, pour également leur donner de l'amour. Et qui sait, souvent dans ces temps de confinement, quand nous ne voyons pas les personnes, il est parfois plus facile de communiquer. En bref, la pression retombe, on se détend, on planifie des trucs, on a le temps. D'autant plus, si vous aviez des projets qui traînaient depuis longtemps, c'est le moment. Puisque le 21 mars, gros changement, Saturne, qui était en Capricorne depuis 2 ans et demi, passe en Verseau pour quelques mois, afin de nous donner un avant-goût de ce qu'il va y avoir. Alors concrètement, 21 mars, Saturne qui était en Capricorne passe en Verseau pour quelques mois. Ensuite, nous repasserons pour un temps très court. Saturne va rétrograder en Capricorne avant de repasser encore une fois en Verseau. Et là, à ce moment-là, à la fin de l'année, Saturne en Verseau, ce sera ça pendant 2 ans et demi. Alors Saturne, c'est une planète qui a tendance à rester, quand elle bouge, Saturne, ça crée des bouleversements dans nos vies, car en moyenne elle passe 2 ans et demi dans chaque signe. C'est une énergie qui est lente et souvent on voit pas les effets avant d'avoir le nez dessus. Par exemple, Saturne en Capricorne, c'était le cas entre décembre 2017 jusque là 21 mars 2020. Alors ça n'a pas été simple pour beaucoup de monde, surtout si vous aviez entre 20 et 30 ans, 57 et 60 ans et 87 et 90 ans entre 2017 et 2020, période où Saturne était en Capricorne. C'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. En gros, Saturne, c'est une planète qui apporte des leçons, qui nous fait grandir, qui nous guide, qui nous pousse à prendre nos responsabilités dans la vie. Bref, alors que Saturne quitte le Capricorne, repensons aux leçons apprises pendant ce cycle karmique de 2 ans et demi et préparons-nous pour le prochain qui arrivera fin décembre. Quelques conseils à vous donner avant de partir. Pour mener à bien cette saison du Bélier, je ne peux que vous conseiller d'utiliser cette énergie de nouvelle saison pour être créatif. N'hésitez pas à créer, faire du lien, à réaliser vos projets, vos envies, ce que vous aviez en tête. C'est le moment. Deuxième chose que je peux vous conseiller, bougez votre boule. On utilise cette énergie, on utilise l'énergie du Bélier. Hein, le Bélier ne porte pas son nom pour rien, il y va, il rentre dans le tas. Allez-y, vous aussi, bougez votre boule. Troisièmement, pour cette saison du Bélier, je ne peux que vous encourager à accueillir les nouveaux départs, à accueillir ce nouveau cycle, relâcher les tensions, pratiquer la gratitude. Allez-y, à fond, à fond. Et pour finir, soyez dans un état d'esprit d'abondance. Regardez autour de vous, vous êtes aimé, vous êtes beau, vous êtes en vie. Soyez heureux, faites preuve de gratitude. Joyeux équinoxe à vous, joyeuse saison du bélier et très joyeuse nouvelle année astrologique. C'était Chloé et c'était le point astrologie du week-end. Bye bye! Ne vous endormez pas sur la radio des Boncons. Je remercie Chloé pour son point astrologie. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique humour réalisée par Boncon Dorian et Boncon Léo pour une chronique humour sur le monde de la radio. Salut à tous, vous êtes sur Tuning Radio 101.3. Salut à tous, vous êtes sur 98.2, Palma FM. Tout de suite les infos, le Premier ministre a déclaré lors de son premier meeting. Oh, attends la fin de la musique. Et tout de suite à la demande générale, on va s'écouter la chenille de Bézu. À la demande générale? Bah ouais. Économie à présent, le CAC 40 encore... Non mais t'es lourd là. C'est l'heure pour moi de rendre l'antenne après 7 heures d'émission avec David. Bonne soirée à tous. Ça va ? Je suis fatigué. Vous êtes bien sur Autoroute Radio et tout de suite on s'écoute le péage de Saint-Arnoult. 18,50 s'il vous plaît. Et tout de suite on s'écoute un nouveau remix de 14 minutes qui va nous laisser le temps de plier nos slips. Vous êtes toujours sur Palma FM, il est 2h du matin, bonsoir Fabien, ça va bien ? Salut, c'est Fabien et Fabien jusqu'à 8h du matin. C'était les bouchons sur la 10 et tout de suite on s'écoute l'air de la Ferté-Bernard. Ton micro est allumé, hein. Vous êtes sur Radio Poussin, bonjour les zouzous. Tout de suite, on s'écoute Chantal Goya. Vous êtes bien sur Palma FM, il est 6h du mat, c'est le morning, on est tous réveillés, c'est la forme et c'est super. On écoute David Guetta, tout de suite, c'est parti. Vous êtes sur Corsica FM. Et tout de suite, on s'écoute le top 5 des meilleures explosions. Vous êtes sur Auvergne FM, et tout de suite, il ne se passe rien. Vous êtes toujours sur Radio Braise, et tout de suite, on s'écoute du Pignou. Tu veux une galette? Ah, s'il te plaît, ouais. C'était John et Francky, 22h minuit, c'est la fin de l'émission. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain, chers auditeurs et auditrices. On a fait une super émission. Ah, tu m'étonnes. Ah là là, c'était cool. Radio Boncon. C'est un vrai plaisir d'écouter la Radio Boncon. Radio Boncon. Radio Boncon. On est toujours en léger différé, c'est la matinale du week-end des Boncons sur Radio Boncons. Je vous propose maintenant d'écouter une musique d'un groupe qui s'appelle Soft Air, qui est composé de Conan Mokessin et de Sam Dust. C'est un groupe que je qualifierais de Boncon et je vous invite à regarder leurs clips sur internet qui sont particulièrement délicieux. Bonne écoute à tous et à tout de suite. You never ever. Nemo, Lia et Jazz, je vous embrasse. Bisous mes petits loulous. Oh wow, bienvenue sur la radio des bons cons. Grand-père, grand-père, c'était comment le confinement ? Ah, oh, tu veux savoir comment c'était le confinement ? Attends, je vais te montrer. Revivez les meilleurs moments de votre confinement avec notre série spéciale Coronavirus. Le numéro 1 avec le rouleau de PQ triple épaisseur et son fascicule, bientôt disponible chez votre marchand de journaux. Altaïa. Astuce du jour pour une machine à laver corrodée avec beaucoup de calcaire. Je vous invite à vous munir de vinaigre blanc que vous placez à la place de l'assouplissant. Vous pouvez mettre environ 1 litre, voire même 2 litres, si vous le voulez. À la place de la lessive, mettez un petit peu de bicarbonate de soude, de 1 à 3 cuillères à soupe. Ensuite, choisissez le lavage le plus long, mais aussi le plus chaud, 90 degrés, voire plus, si vous le pouvez. Ensuite, vous pouvez envoyer la machine, et c'est pesé. Retrouvez comme moi, une machine à laver d'antan. On continue cette matinale du week-end des bons cons, donc j'espère que vous avez pu faire la grasse matinée. Il est environ 11h24, je ne suis pas tout à fait sûre de cette information car c'est une émission enregistrée. Ce qui est assez ouf, c'est qu'actuellement il est 23h24 et donc vous écouterez cette émission dans exactement 12 heures. Ah ! Petit clin d'œil à la chronique cinéma de Félix Hubert-Typhon, que vous pourrez retrouver d'ailleurs en rediffusion à 13h, je crois. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter la chronique santé de Tata Lolo. C'est la chronique santé de Tata Lolo. Bonjour à tous et de bon matin. Voici une petite chronique santé de Tata Lolo ou Laura Violi, comme vous le souhaitez. Ce matin, pour vous, je vous prépare un cocktail pétillant pour vous réveiller tout en punchy ce matin, après éventuellement avoir trop ingurgité d'alcool hier soir pour fêter ce début de week-end confiné. Alors, cocktail pétillant ananas kiwi. Bon, bien évidemment, vous avez le droit d'utiliser d'autres fruits, mais je vous conseille voilà quelque chose de très frais. Pour cette recette, 2 kiwis, 200 g d'ananas et 50 centilitres d'eau. Voilà donc le tout à mettre d'abord dans un bocal avec un filet de citron jaune. Voilà, donc je vous conseille de le préparer en avance. Donc si vous avez cette chronique samedi matin, eh bien vous savez que pour demain matin, vous pouvez aussi la préparer car il faut laisser le mélange 12 heures au frais. Voilà, et puis quand il sort de votre frigo, rajoutez 50 centilitres d'eau pétillante. Voilà, à servir tout ensemble et à boire tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de la Radio Bon Con et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique santé. C'est la chronique santé de Tata Lolo. Alors je pense qu'on se pose tous la même question. Quel était ce vibreur à la fin de la chronique, Laura ? J'espère que tu pourras nous répondre. Sur le Discord, vous pouvez tous vous rendre pour réagir en direct à l'émission qui n'est pas en direct, mais voilà, vous pouvez réagir. D'ailleurs, il y aura un petit jeu à la fin de l'émission. En tout cas, retrouvez une nouvelle chronique santé de Tata Lolo à 12h30 aujourd'hui. À 13h, vous pourrez écouter une rediffusion de la chronique cinéma de Hubert Félix Typhon. Nous aurons ensuite la chronique beauté, le beau con de Louison à 14h. Bien sûr, le point confinement à partir de 16h en direct sur la radio des bons cons avec des invités extraordinaires. Je vous conseille d'être au rendez-vous. Je pense que cette émission sera très très intéressante. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'anime, bien sûr. Et puis peut-être que ce soir, alors je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas encore décidé à l'heure où je vous parle, peut-être qu'on fera quelque chose de particulier comme nous sommes samedi et que c'est la fiesta. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique que Madame Mona nous a préparée pour cette grasse matinale. Une chronique très enrichissante que je vous laisse découvrir. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous en ce samedi matin. On était censé vous conseiller des activités sympas à faire pour égayer le confinement, si j'ai bien tout compris. Mais je vous cache pas que ma seule activité cette semaine a été d'écouter Radio Bon Con H24, ou d'enregistrer pour Radio Bon Con. Donc, ce qui est une super activité, hein, je suis très satisfaite. Mais je ne vais pas vous en parler dans cette chronique, enfin pas vous en parler plus que ce que je suis déjà en train de faire. Parce que si vous m'entendez, c'est que vous êtes déjà un fidèle auditeur, que je n'ai pas besoin de convaincre. Donc, À la place, j'ai décidé de vous parler du Schadenfreude. Alors, le Schadenfreude, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui regroupe 120 mots allemands qui permettent de nommer des choses très précises, mais qui n'ont pas d'équivalent en français. Alors dit comme ça, ça a l'air super chiant, j'ai mal vendu le truc, mais je vais vous lire mes préférés et vous allez voir, c'est plutôt marrant. Enfin moi j'aime bien. Alors avant de commencer, il faut que je précise, je vais sans doute galérer à mort à prononcer les mots en allemand et terriblement les écorcher, mais ce qui compte, c'est les définitions et les valeurs. Mais on va se concentrer sur les définitions dans cette chronique. Donc le premier mot, c'est « Liertretung ». Ça veut dire « poser lourdement son pied sur une marche qui n'existe pas ». Moi je trouve ça fou qu'il y ait un mot qui soit utilisé pour décrire cette sensation. Sinon il y a le « Meilneid », le sentiment de convoitise pour le plat commandé par votre voisin de table au restaurant. Ça m'arrive tout le temps, je sais pas vous, mais ouais, tout le temps. Donc, mot numéro 3. Soyez indulgent, c'est Luftfahrt Origamini der Geschlagenheit. C'est un mot très long. Ça désigne le sentiment d'abattement quand son avion en papier s'écrase immédiatement au sol. Maintenant, mot numéro... Je sais plus trop où on est rendu, mais... Mot suivant. Celui-là, j'aime beaucoup, c'est Speichelgleichmut. Faire comme si on ne venait pas de postillonner malgré soi en conversant. En plus, t'es clairement obligé de postillonner en prononçant ce mot-là. Speichelgleichmut. Essayez chez vous, hein, vous pouvez essayer. C'est une chronique participative, malgré que ce soit en différé. Bon, je m'égare. Mot suivant. Encore un que j'aime beaucoup, c'est Vernissage Geversurung, qui désigne l'envie irrépressible de vérifier si une peinture signalée comme fraîche est bel et bien encore fraîche. Je vois bien un bélier faire ça, par exemple. Et je vais te dire un mot suivant avant que les béliers m'attaquent. Le mot suivant, c'est Kühlschrankblockade. Contempler, tenaillé par la faim, le réfrigérateur, mais ne pas savoir quoi manger. Que celui à qui ça n'est jamais arrivé me jette la première pierre. Mot suivant, celui-là va falloir que je prenne de l'élan, c'est Eisenbahnschneibewegung. Alors c'est peut-être un peu agressif au matin, toutes ces sonorités là, mais bon, qu'est-ce que j'y peux ? Donc Eisenbahnschneibewegung, ça veut dire, ça désigne la sensation trompeuse de mouvement quand, depuis un train à l'arrêt, on regarde au dehors un train en marche. Donc ça, ouf qu'ils aient fait un mot juste pour cette sensation qu'on a tous eue mais qu'on n'arrive pas à désigner plus que ça en français. Désolée, j'essaie de partager ma passion à travers cette chronique. Prochain mot, Verschniedlichung, si je me plante pas, ça désigne l'attribution de surnoms à vos organes sexuels ou à ceux du partenaire. Donc c'est super. Prochain mot, c'est le pissoir Zurückhaltung. Incapacité à uriner en présence d'autrui. Voilà, voilà. Et donc, ça nous amène au prochain et dernier mot, qui est Überschungsparty, Überraschungsschöldab. J'ai pas réussi à le dire, mais. Il désigne le fait de feindre la surprise à une fête surprise. Et voilà. On est arrivé à la fin de cette chronique linguistique. Je salue au passage nos deux chroniqueurs de la matinale habituelle, qui font un taf incroyable. Et je me rends compte maintenant qu'il n'est pas facile de les remplacer, ne serait-ce que 5 minutes. Donc Chloé, Kéman, profitez bien de votre grâce mat bien méritée. Et puis j'en profite aussi pour remercier la Radio Bourgon en général, parce que c'est pas sur toutes les radios qu'on peut faire une chronique juste en récitant des mots et leurs définitions. Donc promis, c'était la dernière fois qu'on testait ce format. Je vous promets pas qu'on va pas expérimenter d'autres trucs par contre. Donc sur ce, je vous embrasse et je laisse le mot de la fin à l'ami des Allemands LV1, j'ai nommé Reverso. Auf Wiedersehen, wir sind auf Radio Bonkon. Da denke Frau Mona für dieses sehr interessante Programm. Wir hören jetzt Tokyo Hotel durch den Monsum. Ich liebe Deutschland. Sie hören Radio Gut Korn. Santé de tous, restez confinés, mais ne restez pas tout seul avec Radio Boncon. C'était Tokyo Hotel avec Durjden Manzoum, je pense que vous l'avez compris. J'embrasse bien sûr Gianni, Anatole, tous ceux qui parlent très bien allemand et qui ont dû me trouver totalement ridicule. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter le Boucon Fitness de Monsieur Doug, parce que je pense que c'est pas mal de faire un peu de sport avant de commencer la journée. En période de trouble, lorsque la situation devient critique, quand le président de la France demandent à la population de rester chez elle. Nous sommes en guerre. Un groupe de personnes choisit de se mobiliser, de se lever afin de faire bouger les Français chez eux. Ils n'ont rien demandé, mais ils décident quand même de s'y coller. Nom de code, Bon Confitness. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette première édition de Bon Confitness, le programme fitness de la radio des Boncons. Je suis Douglas Wilson et si vous le voulez bien, votre coach sportif. Je vais vous proposer une petite séance abordable par tout le monde, sans prétention. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, ta punaise ». Est-ce que c'est bien clair ? Chef, oui, chef ! Évidemment, c'était une petite blagounette. Non, la séance proposée aujourd'hui et les futures à venir ne nécessitent aucun niveau ni matériel particulier. Concrètement, pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un espace de 2 mètres sur 2 mètres et d'un mur. Mais pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, ouvrez vos oreilles. Je vais vous expliquer. Oh oh. Laisse-moi deviner, on est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti. La séance d'aujourd'hui va se subdiviser en deux parties. L'échauffement, histoire de ne pas tout casser au premier faux mouvement. La séance, à proprement parler. Petite information, je ne vais pas détailler les exercices ici. Ça prendrait trop de temps. Je vais donner un petit nom à chaque exercice pour que ça soit plus facile à retenir. Vous pourrez retrouver un descriptif de chaque exercice au format vidéo ou GIF pour s'assurer de bien le faire. Il sera disponible sur la page Facebook de la radio des Boncons. Maintenant que cela est dit, passons aux choses sérieuses. J'écoute. L'échauffement. Trois exercices pour cet échauffement. D'abord, la routine de dégrippage. Puis, alpha bondi. Et enfin, la classique. Ouais, c'est pas faux. Encore une fois, si cela ne vous dit rien, allez voir la description des exercices sur la page Facebook de la radio des Boncons. La séance maintenant. Un enchaînement de 5 exercices d'une durée de 20 secondes, alterné par 20 secondes de récupération. Les exercices sont les suivants, et dans cet ordre, la chaise, le What the fuck am I doing, les squats, le crunch et la planche. Je rappelle l'ordre, chaise, What the fuck am I doing, squat, crunch et planche. 20 secondes d'exercice, puis 20 secondes de repos. Tout cela à répéter deux fois. Bien évidemment, vous pouvez adapter les volumes en fonction de votre forme. N'hésitez pas à faire cette séance avec la radio des Boncons en accompagnement. Toute cette séance sera disponible sur la page Facebook de la radio des Boncons et on attend avec impatience vos photos dégoulinantes de sueur. Je vous fais des gros bisous les loulous et à bientôt pour plus de sport. C'est déjà la fin de votre grasse matinale. Alors, pour se quitter, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu. Donc, je vous invite à aller sur le Discord des Boncons parce que je me fais un petit plaisir. En fait, je vais diffuser mes répliques préférées du Seigneur des Anneaux, de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, voilà, soyez indulgents. Il y en a pas mal, mais j'y ai glissé deux répliques qui ne sont pas extraits du Seigneur des Anneaux. Donc à vous de les retrouver et de me citer les titres bien sûr dont ces extraits sont extraits. Merci beaucoup, moi je vous retrouve à 16h pour le point confinement et puis tout au long de la journée il y aura des chroniques. Je le rappelle avant qu'on se quitte, donc à 13h on aura la chronique santé de Tata Lolo, ensuite la chronique cinéma de Hubert Félix Typhon à 13h. Puis à 14h, la chronique beauté de Louison. Et voilà, ensuite, on avisera pour le reste de la journée. Je sais que je n'ai pas eu une voix qui était particulièrement adaptée pour une matinale. Je manquais un peu d'énergie. Mais comme il est minuit, je suis un petit peu fatiguée. Et voilà, tout est expliqué. Mais quand j'écouterai cette matinale avec vous demain, je serai en pleine forme. Je vous laisse donc avec mes répliques préférées de la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'espère que ça vous plaira. Et donc je vous invite à jouer et essayer de trouver les deux extraits qui ne sont pas issus du Seigneur des Anneaux. Et bien sûr me citer les films dont ces deux extraits sont issus. Vous pourrez remporter un petit tube de gel hydroalcoolique de chez Chronodrive. Gros bisous à tous et passez une très bonne journée. merveilleux de vous voir, Chantal. Bonjour, Frodo. Quittez la route. Et ce qui nous amène ne regarde que nous. Sous colline. Je m'appelle Sous colline. Ceci, mon ami, est une pinte. Il n'y a pas de vie dans le néant. Seulement la mort. Monsieur Sous colline. Ne transporte rien. C'est cela. Qu'est-ce que ceci? Un garde qui ne prend pas garde? Il est 10h du matin et nous sommes le 24 octobre, si vous voulez tout savoir. Alors nous avons un but commun, mon ami. Aragorn. L'anneau ne peut être détruit, Gimli, fils de Gloin, par aucun moyen en notre possession. Vous formerez la communauté de l'anneau. Je n'en ai cure. Parlez, ami, et entrez. Bella. Ce n'est pas une mine. C'est un tombeau. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres. Non ! Du lembas. Du pain de route elfique. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Tu en as mangé combien ? 4. Frodo ! Frodo ! Frodo ! Non, Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Voyageons léger. Allons chasser de l'orque. Et que la chasse soit couronnée de succès et que personne ne meure. À moins que mes yeux ne soient abusés par quelque sorcellerie. Voici Tar. Vous l'avez déjà vu autrefois. N'ai-je pas raison, Gollum? Oui. C'est ainsi que l'on m'appelait. Non, sans raison tombent les feuilles de la Lorien. Ils sont peut-être en vie. Legolas, que voient vos yeux d'elfe? Gris-poil. Puissent ces chevaux vous apporter meilleure fortune qu'à leur premier maître. Que craignez-vous, gentes dames? Une cage. Pourquoi fais-tu cela? Quoi? L'appeler le puant et le rabrouer à chaque instant. Pas de chance. Crotte de nez. Bon, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Stupide bitch joufflu, ça les abîme. Votre garde du corps? Son jardinier. Vous avez une mine affreuse. Alors je mourrai comme l'un d'entre eux. Les Nazgûl! Le gros bitch joufflu est toujours si poli. Le voyage de retour. La maison est derrière. Le monde est devant. Dame Arwen, on ne peut t'attendre. Je ne suis pas un homme. Je suis nu dans les ténèbres. Pour Frodon. J'ai bien peur de l'avoir égaré. Je ne vous dirai pas de ne pas pleurer, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Il est temps, Frodon. Pour se quitter, je vous mets quand même Breaking of the Fellowship, c'est ma chanson préférée de la BO du Seigneur des Anneaux. Et puis en plus, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est Breaking of the Fellowship. C'est la communauté qui est dissoute, mais en fait, elle n'est pas vraiment dissoute parce qu'ils sont toujours liés les uns aux autres. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment entre les bons coins et le confinement. Voilà, je vous fais des gros bisous et allez bien vous faire enculer. Radio Bonkon. La matinale du week-end. C'est la grâce matinale de Radio Bonkon avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline.